Donc les épisodes de Cargo Cult se suivent et se ressemblent pas du tout, et j'y mets un point d'honneur. Et aujourd'hui, justement, pour être diamétralement opposé au tout plein de noise fourni par Laurie des son Metal Machine Music la semaine dernière, on va prendre la tangente et écouter un pur album de folk, 100% folk, totalement acoustique, et là aussi entièrement mythique. Et quand bien même il va être en apparence plus écoutable que le disque qu'on écoutait la semaine dernière, il est loin d'avoir remporté son succès. Il s'agit du tout premier album de Karen Dalton. It's so hard to tell you, c'est un titre à rallonge, hein. It's so hard to tell you who's going to love you the best. Alors, c'est pas seulement pour ça que le disque n'a pas rencontré de succès à l'époque, mais on y viendra. Peut-être qu'on va profiter du personnage de Karen Dalton pour camper ce qu'était ce New York post-beat, et donc nouvellement hippie ou pré-hippie peut-être, en 1960, enfin en tout cas dans les années 60 à New York. Karen Dalton, elle arrive à New York à 19 ans. Elle quitte son Oklahoma natal et dès 1961, elle va faire ses premiers pas à Greenwich Village et se faire remarquer de facto. Alors c'est vrai que ce Greenwich Village de l'époque, j'ai envie de dire que tout le monde a sa guitare dans le dos et il va écumer les bars, les clubs. Et c'est ainsi que vont se faire les légendes. Puis la première qui va être là à observer un petit peu ce qui se passe aux portes, bah, c'est Bob Dylan. Et Bob Dylan, oui, ça va être un des admirateurs, un des souteneurs, enfin, le mot peut prêter à confusion, un des soutiens de Karen Dalton. Et elle en connaîtra d'autres parce qu'en fait, quiconque entendra chanter Karen Dalton va de facto l'adorer. C'est une voix à proprement extraordinaire. Très lente, même traînante finalement d'une certaine manière, alors totalement empreinte de blues. Elle a été décrite comme une Billie Holiday hillbilly. Alors oui, ça la correspond bien, Karen Dalton est une blanche, une espèce de roughneck comme ça, totalement empreinte d'un blues noir, d'un folklore noir, mais aussi d'une country pure et dure. Enfin, ce qui sera de toute façon les fondamentaux des folk songs et des protest songs de l'époque. Il se trouve que Karen Dalton échappe au succès, certainement pour plusieurs raisons. Mais d'abord, curieusement, pourquoi est-ce qu'elle échappe au succès puisque tout le monde l'adore? Alors, il y a un fait déjà majeur à ça, c'est que elle va enregistrer très tard. Elle va enregistrer très tard, elle va enregistrer en 1969 son premier album, alors que ça fait 8 ans qu'elle écume les scènes et les planches quand même de New York. Un petit peu du New Jersey aussi, mais enfin tout est fondamentalement basé à New York. Et l'autre facteur, c'est qu'elle elle joue que des reprises. Ce qui finalement peut nuire comme ça à l'éclosion d'un talent. Alors attention, ces reprises, bah, c'est des reprises de Fred Neil, par exemple. Fred Neil, c'est son compagnon à ce moment-là. Hein, et il a un rôle important dans la carrière en fait, de Karen Dalton. Je détaillerai ça juste après. Mais des classiques, d'Elmore James aussi, Bill Bibb Bonzi pour emprunter au folklore plutôt blues, Billie Holiday, Odita, Joni Mitchell. Voilà, j'en oublie certainement. Et chacune de ces reprises, vous allez voir, sont. C'est des covers remarquables, c'est-à-dire qu'elle s'accapare vraiment la chanson et lui donne un style assez propre. Avant qu'on écoute un petit peu tout ça, on est ensemble jusqu'à wow, juste, je vais dire 13h, non, jusqu'à midi, pour parler et écouter surtout Karen Dalton. Revenons un petit peu sur la façon dont le mythe s'est fait. Ne mentons pas, les gens qui avaient entendu parler de Karen Dalton dans les années 60, puis après, lorsqu'elle a commis ses deux disques officiellement, un en 69 et un en 1971, celui qu'on écoute aujourd'hui, donc It's so hard to tell you who's going to love you the best, et le premier, en 1969, personne n'en entend parler. Une réédition salutaire va porter finalement à l'écoute enfin ce disque qui a été le secret le mieux gardé de la folk music pendant plus de 25 ans, en 2006. Et bravo alors pour le peu aux éditeurs français, qui était ce petit label, Mégaphone Musique, qui non seulement ont réédité les deux disques de Carnalton, mais qui ont cherché aussi pas mal d'informations, des notes de pochette, et même dégoté un petit film qui avait été tourné par la télé française à l'époque. Bon, enfin, un truc passé totalement inaperçu. Le Guardian titrait en 2006, à l'occasion donc de cette salutaire réédition, The Best Singer You've Never Heard About. Autrement dit, la meilleure chanteuse dont vous n'ayez jamais entendu parler. Ah oui, et pour cause. Alors cette chanteuse dont on n'entend jamais parler, effectivement, elle a ses propres problèmes. D'où le fait qu'on n'entende pas parler. J'évoquais le fait qu'elle enregistre tard. Oui. Alors il y a une raison majeure au fait qu'elle enregistre tard. Enfin, la première, c'est qu'elle est entièrement claustrophobe. Donc, mettre Karen Dalton dans le confort douillet mais ramassé d'un studio s'avère être quelque chose d'absolument impossible. Enfin, impossible jusqu'au jour où ça a pu être possible, mais finalement très tard. Quand va se faire ce disque en 1969? Et alors, après moult difficultés, Karen Dalton a énormément de problèmes personnels. Elle a perdu la garde de son enfant. Elle a des problèmes avec les psychotropes et l'alcool. Bon, remarquez, c'était assez commun à l'époque, certes, mais ça va quasiment quand même détruire Karen Dalton. Et puis surtout, elle est en antithèse du business de la contre-culture qui est en train de se faire alors. Parce que certes, cette génération folk, alors principalement mise en avant par Bob Dylan, hein, il est le paradigme comme ça d'une réussite de la contre-culture. Réussite de la contre-culture qui va passer de facto en culture dominante. Et finalement, dans cette stratégie-là, il y en a qui ne vont pas suivre le pas. Et Karen Dalton va être l'exemple même de quelqu'un qui suit pas le pas et qui a même du mal à suivre les siens. Sitôt l'album enregistré qu'on a écouté là, Karen Dalton va partir. Elle va se retirer dans les montagnes du Colorado. Et elle va vivre là, en communauté, très chichement, avec d'autres musiciens. Bon, voilà, les communautés n'ont pas encore été totalement détruites par tout ce qu'on connaît, les drogues en tête d'ailleurs. Donc il y a encore une utopie possible à ce moment-là. Et de fait, Karen Dalton arrivera dans ces conditions-là à enregistrer un deuxième album, très remarquable aussi. Un petit peu plus électrique, avec un vrai groupe pour le peu. Cependant, il est probable que ce soit le premier qui soit le plus émouvant. Et ce disque, comme je le signifiais, il est enregistré tard, il est enregistré sous la contrainte. Elle est en fait, en 1969, toujours amie avec Fred Neil. Fred Neil, on en fera une sortie tout à l'heure avec lui, c'est un compositeur très très connu. Bon, il est notamment super connu pour une chanson qui a été multi-enregistrée et qui a notamment servi de soundtrack à Macadam Cowboy, c'est la chanson Everybody's Talking. Voilà. Donc rien que pour ça, Fred Neil peut se targuer d'une certaine variété et puis surtout d'imposer Karen Dalton en studio et lui demande de venir juste pour prêter main forte, chanter avec elle sur un morceau. Elle se laisse convaincre, enfin. Et là, bah, en quelque sorte piégé, il est évident que Fred Neil avait quand même un petit peu une idée derrière la tête, elle va du coup se laisser aller, il va profiter que le studio soit libre pour laisser la parole, laisser la voix, laisser le chant à Karen Dalton. Et donc Karen, vous allez voir, il n'y a presque personne autour d'elle, elle est à peine secondée par une basse électrique, mais surtout, c'est elle qu'on entend, là, bien sûr, chanter, mais je voulais te préciser qu'elle était guitariste et qu'elle jouait aussi du banjo. Guitare 12 cordes, en l'occurrence, donc ce qui n'est pas le tout venant de la folk music à l'époque. Et pareil pour son banjo, qui est un banjo très long, avec un 25 frettes, en fait. C'est-à-dire 3 de plus que les frettes normales. Donc c'est ces frettes comme ça qui sont en haut du manche, évidemment, parce qu'elles sont éloignées. Vous imaginez, sont beaucoup plus larges que celles qui sont au bas du manche. Donc ça lui donne un instrument comme ça, assez beau, assez impressionnant, et qui, exactement comme la guitare 12 cordes, et même plus encore, fait pas partie de l'attirail commun du chanteur, du musicien folk. C'est déjà une façon pour Karen Dalton de se démarquer largement. Voilà. J'ai vous laissé maintenant à la découverte de ce disque, dont je rappelle effectivement qu'il n'y a que des reprises qu'il compose. Ça commencera par une reprise de Fred Neil. Fred Neil est important dans sa carrière, évidemment. Bon, il est son boyfriend en plus, mais bon, même un court moment, ils resteront quand même heureusement amis par ailleurs. D'autres prises, alors celle d'Eddie Floyd et Booker T, par exemple. Alors eux, c'est des gens qui vont davantage s'exprimer dans la soul, hein, c'est le son qui va former les débuts de Stax Records. Tim Hardin, Led Belly, Jerry Roll Morton, là voilà, on est dans des fondamentaux du blues. Et puis beaucoup de chansons traditionnelles réarrangées par Karen Dalton, certaines empruntées d'ailleurs au répertoire de Billy Holiday, mais qui était lui-même nourri de musique trad. Il y a une chanson sur laquelle j'ai envie d'attirer votre oreille, vous n'entendrez pas tout de suite, c'est l'avant-dernière, je trouve que c'est l'une des plus belles, et c'est Right, Wrong, Already, Right, Wrong, Already, qui est en fait la reprise d'un des personnages les plus cultes, les plus énigmatiques et autant dire invisibles d'ailleurs de cette scène folk de l'époque, c'est Major Willie. Et Major Willie était un des très très rares compositeurs folk singer black. La folk music c'est un truc blanc. La protest song new-yorkaise c'est un truc de blanc. La protestation dans la musique noire va se passer ailleurs, on le sait bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'égérie noire dans cette musique dite blanche. Je pense à Odetta, par exemple, dont une reprise d'ailleurs va composer ce disque. C'est aussi une chanteuse elle-même importante, mais ça reste une exception dans ce territoire où c'est plutôt les Bob Dylan et Pete Seeger qui vont gagner, l'histoire le dit bien. Voilà. 32 minutes avec cet album, It's So Hard to Tell You Who's Gonna Love You the Best. Alors voilà, avec un titre comme ça, il était sûr qu'on ne pouvait pas le vendre. Même si c'était quand même, en 1900, c'était, il y avait quand même une major qui était censée pousser le truc derrière en 1969. Mais enfin, elle n'a pas spécialement fait d'effort. Voilà. Bonne écoute de cette voix absolument saisissante. Je vais reparodier le Guardian en recitant cette phrase qui est probablement juste. Et vous risquez d'entendre plus belle chanteuse dont vous n'ayez encore jamais entendu parler. À tout à l'heure. If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. Mm-hmm. my man went away. Wish I could show you what I found. Sweet substitute, sweet substitute. He tells me that he's fine, all mine, every time I tell him. You know love is blind. Such love and ways got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute. If I had a fancy sack, my old true love would find me fair. My red shoes would go dancing ever my fancy would. My love would wish that he had taken me while he could. If I were like city girls, fair with smiles, not a man in all these parts would know my heart. My red shoes would go dancing where'er my fancy chose. I'd lock about the sidewalk, wear them fine clothes. If I were like city girls, if I had a fan. If I had a ribbon bow to pie. let me sit down beside you. I've got something to tell you, darling. You wanna know? I just can't wait. No, not another day. I love you. All the words can't say. Yes, I do. Living without you is so painful. I was tempted to call it a day. You've got me in your hands. Why can't you understand? I love you. All the words can't say. Yes, I do. I get no sleep when I lay there on my bed. The thoughts of you linger in my head. Without you it's so painful. I was tempted. You've got me in your hands. Why can't you understand? I love you more than words can say. so hard to tell who's gonna love you the best. Goodbye, all my old sweethearts and pals. I'm gone away. I may come back to see you, darling, some old rainy, rainy day. Or in the evening, darling, maybe when the sun goes down. When the sun goes down. I love you, baby. Ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Put your hand in mine. I've got something to tell you, darling. I want to change your mind. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. You, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. What you do. did wrong. The last days we had of one another will have to do. While you're on your way, while you're on your way, how did the feeling feel to you? Always dawning, I could have told him that he'd be resting on my mind. He stays on my mind. He stays on my mind. I could have told him that another time, another place, maybe later. Oh, I'm gonna love you better. Right, wrong, already. Right, wrong, already. If he's right, wrong, already, he stays on my mind. I could have told him that a man pays his own dues for his own crimes and his own bed for his own woman. Right, wrong, already. Right, wrong, already. He stays on my mind. He stays. Love light always dawning. I could have told him that he'd be resting on my mind, but he stays on my mind. If he's right, wrong, already, he stays on my mind. He stays on my mind. Don't you follow me down, don't you follow me down, follow me down to some old back street in town. Living down on the street, gonna be the day. Et ces derniers mots de Karen Dalton, « Cry for me ». Oui, on est complètement au bord des larmes. Évidemment, je fais partie des gens qui ont découvert ce disque bien après tout le monde. C'est-à-dire qu'en 2006, d'abord parce que quand il est sorti, je n'étais pas tout à fait en âge d'aller courir chez le disquaire. Et puis, ma foi, oui, avouons-le, le folk n'était pas une musique qui me touchait, moi, spécialement, quoi. Ou alors de très, très loin. Et merci à Larry de m'avoir conseillé ce disque, des disquaires connus sur la place parisienne. Larry, qui est un disquaire du 18e, allez, Exodis, qu'on va lui faire de la promotion, m'avoir fait découvrir ce disque quand il était donc salutairement réédité en 2006. Comment une chanteuse aussi exceptionnelle que celle-ci a pu rester totalement inconnue et puis surtout sombrer dans l'oubli le plus total, c'est-à-dire que les quelques gens qui la connaissaient se sont vite désintéressés d'elle, en tout cas pour les plus connus. Ça reste un mystère. Le caractère de la jeune femme y est pour beaucoup. Parce que c'est Capitol, quand même, qui avait investi sur l'album dès 1969. Capitol, c'est la division forte de EMI aux USA. De facto, elle s'en va. Elle va quitter New York pour se réfugier dans les montagnes du Colorado. Elle y restera longtemps pour vivre en communauté. Elle échappe totalement au circuit promotionnel qu'on cherche à lui imposer, même de loin, ne serait-ce que faire un passage en radio, etc. Karen Dalton fuit complètement ça. Elle fuit ses démons, elle fuit même ses responsabilités. Je le rappelle, elle perdra la garde de son enfant, qu'elle retrouvera quand même après. Forcée d'admettre qu'elle sera laissée tomber par tous ou presque tous. Ce qui effectivement fait un petit peu mal. Fred Neil était le premier à admettre qu'il n'avait pas, il n'avait peut-être pas été assez auprès d'elle, quand bien même elle a beaucoup repris certaines de ses chansons. Elle va mourir dans l'oubli total. Elle meurt du sida en 1993. Elle a 55 ans à ce moment-là. Mais alors, parce qu'on a prêté aussi une espèce de rumeur, un conte pervers au destin tragique de Karen Dalton, comme quoi elle était morte de sans le sou, en pleine clochardisation, sur le trottoir édenté. Bon, non, c'est pas vrai. Sans le sou, oui, c'est vrai, quand même. Mais après, c'est Peter Walker qui l'a dit. Alors, Peter Walker, c'est un guitariste, folk, une pointure. Alors, c'est uniquement des guitaristes, ces gens-là, un petit peu à la John Fahey. C'est-à-dire des gens qui sont pas dans la protestation, qui sont vraiment dans un folk pur et dur, volontiers virtuose, hein, d'ailleurs, en empruntant aux musiques arabo-andalouses, au flamenco, ce qui, dans une démarche de country folk américaine, est quand même à souligner. Peter Walker, lui, était le pote, quand même, celui qui va rester l'ami, va rester le fidèle, et qui va lui trouver un mobilhome à la sortie d'une bourgade de l'État de New York, près de Woodstock, qui s'appelle Hurley. Et elle est morte là, en 1993, mais pas tout à fait seule, quand même. Peter Walker est resté toujours à ses côtés. Son fils, donc un enfant qu'elle avait eu d'un deuxième mariage, enfin deuxième fréquentation, je ne sais pas si c'était marié, avait pu être auprès d'elle à ce moment-là. Voilà, et puis ma voix, pas le moindre commentaire dans une presse locale ou quoi que ce soit, quoi. C'est l'oubli le plus complet jusqu'à cette réhabilitation, certes tardive, mais quand même très très efficace. Et qu'on doit, je le rappelle, hein, entre autres à Mégaphone, qui avait publié plusieurs disques, hein, enfin les deux disques officiels qui étaient complètement oubliés, y compris récupérer les bandes que pour certaines avaient été bazardées par Capitol et EMI. Et aussi, et du coup ça va nous permettre de faire une petite sortie, et aussi des enregistrements, alors pas du tout officiels de l'époque, et notamment celui enregistré au Boulder. Le Boulder, c'est une scène assez importante du Colorado, tout le monde est passé là, dans les scènes blues, folk, mais aussi jazz. Il est très intéressant, par exemple, d'entendre une reprise. Celle-ci est saisissante presque autant que tout l'album qu'on a écouté là. Il faudra pardonner la captation live qui est faite beaucoup plus sauvagement quand même et dans des conditions moins clean que le studio. Quand même, bien même, on a entendu ici un travail très très minimaliste, hein, une guitare, une voix et à peine secondée par une basse et parfois le propre banjo aussi de Karen Dalton. Bon, on la retrouve ici dans des conditions peut-être encore plus précaires sur la scène du Boulder et elle reprend It's Alright, qui est ni plus ni moins qu'un morceau de Red Charles. Et il y a une appropriation de ces morceaux qui est là aussi totalement divine. C'est-à-dire, un, déjà, on oublie Ray Charles, et vous allez voir, on n'est plus du tout dans le swing, dans le côté de Ray Charles, mais en plus, on pense que cette chanson, finalement, elle est devenue la sienne. Et c'est peut-être la marque de fabrique de Karen Dalton. C'est cette facilité de s'accaparer un morceau, de se le transformer et d'en faire le sien, y compris quand c'est emprunté à des divas de la musique jazz ou blues du XXe siècle, comme Billie Holiday, évidemment, ça marraine et mettre à penser, ou Jerry Roll Morton, comme je pouvais en citer parmi d'autres. Alors Ray Charles, tout de suite, repris en live, « It's Alright » par Karen Dalton, enregistrement lui de 1962, donc bien avant l'enregistrement de l'album qu'on écoutait là, qui lui, je vous le rappelle, était enregistré en 1969, donc document certifié. Bonne écoute. All right. every time I hear somebody call your name, you know it almost drives me insane. Took my love and gone. I say it's all right. It's all document, donc certifié d'époque. Si vous avez fait attention, on entend clairement même le bruit des tabourets de bar qui bougent quoi, pendant ce concert, c'est complètement extraordinaire. Et là, c'était très très bon piece de It's Alright, qui est un morceau donc de Red Charles à l'origine. Et là, il était chanté au Boulder par Karen Dalton en 1962. Donc on peut considérer à ses débuts, elle est déjà arrivée à New York de fait en 61. Mais son premier album véritablement officiel n'arrivera que tard, donc en 1969, c'est celui qu'on écoutait aujourd'hui. Et je recommande aussi, hein, il n'y a pas de honte à écouter le suivant, personnellement moins touché, mais quand même très très bien aussi, It's My Own Time, un disque qui lui sort en 1971. Il y a un vrai groupe pour le peu, complet, qui est derrière elle, et plus électrique. Et ça donne aussi une dimension peut-être légèrement moins rauque, comme ça, moins blues que le premier enregistrement, mais ça le complète très très bien. Je suis extrêmement ému, autant que par Karen Dalton, par vos commentaires, énormément rempli de cœurs, des beaux cœurs faits avec les doigts. Dada Base, elle, arrive à faire des cœurs de couleur quand même sur ce chat. C'est une première, enfin à ma connaissance. Et que des youpies et des tralala et des tout ça. Donc merci beaucoup. Et pendant qu'effectivement, on poste pas mal de choses sur Karen Dalton. Fouillez un petit peu, regardez notamment au niveau des visuels. Vous allez voir Karen Dalton quand elle chante au Greenwich Village, hein. elle en est cette égérie, elle en est l'impératrice, évidemment, mais qui peut la battre, maintenant que tu le dis, qui peut la battre? Voilà, et les gens vont se bousculer pour jouer avec elle. On voit une espèce de grand échalas qui joue de l'harmonica avec ses petits cheveux frisés courts. C'est Bob Dylan, exactement. Et quand Karen Dalton est là, Bob Dylan, il va pas pousser la chansonnette et prendre la guitare, il laisse faire. Et oui. Bon, après, la vie est injuste, en tout cas, elle prend les virages qu'elle peut prendre. Et Karen Dalton s'est plutôt pris un mauvais virage, comme je le disais. Mais enfin, elle est définitivement rentrée dans la légende, si ce n'était pas de son vivant, elle l'est quand même. Au moins pour mériter autant de cœurs, de couleurs par Dada Base, mais peut-être plus encore la semaine prochaine, finalement, je vous amènerai sur les traces de quelqu'un dont la voix aussi vous mettra à fleur de peau. Alors lui, il est loin d'être resté inconnu comme Karen Dalton, c'est Marvin Gaye. Mais Marvin Gaye pour son disque Catastrophe, Marvin Gaye pour son disque Clash, pour son disque Déprimé, pour son disque J'ai pris trop de drogue, pour son disque Je divorce, pour son disque J'arrive pas à le vendre. C'est l'avant-dernier disque qu'il fera chez Motown, Here, My Dear, en 1979. En fait, ce disque est un véritable ratage. Et derrière ce ratage, une réussite en fait sublime. C'est un double album d'ailleurs, on en comprendra 2 heures pour en parler, le disque est très long, il fait 74 minutes et plus au complet. Et il y a plein de choses à dire, on s'en douterait à moins, avec un personnage comme Marvin Gaye, surtout au cœur de cette tourmente que j'évoquerai donc avec vous dès la semaine prochaine. Quelques notes de Karen Dalton encore avant de partir. Ça, on va être coupé en plein milieu, bon c'est pas grave. Et c'est toujours extrait de ses enregistrements faits au Boulder en 1962. Et là elle retrouve Fred Neil justement, dont elle fait là aussi une reprise. Red are the flowers. J'étais très heureux de partager ce moment à fleur de peau avec vous. Bonne semaine, à la semaine prochaine.